Chapitre 7e. Le lendemain, 30 novembre, pour éviter tout nouveau désordre, l'heure et l'itinéraire du cortège sont changés et un fort détachement du 44e de ligne protège les accusés. Mais on n'évite pas un nouveau scandale. Les parents et amis de Madame du Sablon lui font une escorte d'honneur et durant tout le trajet de la prison au palais de justice, les accusés semblent faire une promenade triomphale et insultent par leur attitude orgueilleuse à la majesté de la justice. L'audience commence, et Monsieur le Président, avant de procéder à l'interrogatoire de Madame du Sablon, croit devoir faire retirer le fils de l'accusé, bel enfant de 9 ans auquel le magistrat juge inutile de laisser entendre les faits reprochés à sa mère. Les réponses de Madame du Sablon, du reste, ne sont qu'une longue suite de négations. Elle n'a eu de rapport ni avec le curé Bissette, le prédécesseur de Gotland, ni avec ce dernier. Elle n'allait jamais à la cure. Elle ignorait même l'amitié de son mari avec le curé. Elle ne savait pas que son mari eut de l'arsenic et n'a jamais eu même la clé du secrétaire aux médicaments. Elle avoue cependant avoir fait pour Fanny la soupe blanchie, soupe d'herbe avec un œuf, mais sur l'indication de son mari et en présence de Jeanne Berg. Interrogée sur la question de savoir d'où est venue la pensée d'un suicide, elle l'attribue à son mari. Les deux experts, Montalembert et Le Sueur, viennent répéter devant la cour les résultats de leur recherche. M. Octave Le Sueur conclut à l'empoisonnement successif. Monsieur le Président, y a-t-il chez vous conviction qu'il y a eu empoisonnement successif? Le témoin. Non, pas absolument. J'ai dit que l'empoisonnement successif était excessivement probable. Alors, s'il fallait affirmer, je m'arrêterai. Je ne puis que répéter ce que j'ai dit. L'arsenic a dû être administré jusqu'à ce que Fanny n'ait plus la force de vomir. Sans cela, on n'en eût pas retrouvé dans l'estomac. C'est là-dessus que se base ma déclaration. M. Sicot, pharmacien, qui a assisté les deux autres experts, dépose à son tour. Le cadavre, dit-il, contenait de l'arsenic à flot. Monsieur le Président, c'est-à-dire en grande quantité. Le témoin. Oui, Monsieur le Président. L'empoisonnement consécutif n'est plus pour moi une probabilité, mais une profonde conviction. Les défenseurs objectent à M. Sicot, qui étant pharmacien et non médecin, il n'a qu'à rendre compte des résultats de son expertise et non pas s'occuper de se former une conviction au moyen des faits du procès et des documents en dehors de sa mission. M. Sicot. J'ai acquis ma conviction en réfléchissant et en compulsant des ouvrages de toxicologie. Ma conviction s'est formée par l'étude et la réflexion. M. Breton Robert, pharmacien, déclare que bien que la livraison d'arsenic à M. du Sablon soit inscrite sur ses livres à la date du 17 décembre, c'est le 15 qu'elle a réellement été faite. On se souvient que la maladie de Fanny s'est déclarée le 16. On procède à l'audition des témoins. Le sieur Richard, ferblantier à Angoulême, la femme Richard, le sieur Bulot, serrurier, et 12 autres témoins, tous amis ou voisins de la famille de Guizal, viennent déclarer qu'Edmond aimait tendrement sa mère et en était aimé et démentent les bruits qui voudraient attribuer à la mort de Fanny un suicide causé par les mauvais procédés de ses enfants. « Elle s'aimait trop pour mourir, » dit Mathias Ordonneau, frère de la défunte. « Au moindre petit bobo, elle appelait le médecin. » Edmond de Guizal raconte d'abord les faits relatifs à la dispute de sa mère avec Gotland et termine par le récit de sa visite à Saint-Germain en compagnie de son beau-frère Guichard, le 22 décembre 1840. Monsieur le Président, à l'accusé, Gotland, qu'avez-vous à dire sur cette déposition? Le témoin ment sur beaucoup de choses. Monsieur le Président, comment osez-vous accuser les autres de mensonges et espérer être cru sur parole, vous qui avez menti durant tout le cours de l'instruction? Vous qui vous trouvez en contradiction avec tous les témoins. Gotland, avec violence, ils mentent tous, ce sont les menaces de M. Bouisseau qui les font parler ainsi. L'instruction a été toute faite par intimidation. M. le Président déclare avoir remarqué au contraire toute la modération et le tact du magistrat instructeur. Gotland. Le juge d'instruction, sachant avoir affaire à des gens simples, leur disait « N'avez-vous pas vu ceci? M. le curé n'a-t-il pas fait cela ?» Et il répondait « Oui. » M. le Président. Et les déclarations de Fanny, c'était pour me perdre. Jean-Baptiste Guichard, coiffeur à Angoulême et gendre de Fanny de Guizal, raconte également les confidences que lui a faites sa belle-mère au sujet du curé et le voyage du 22 décembre à Saint-Germain. Madame Elvina de Guizal, femme Guichard, est appelée. Cette jeune femme, d'une beauté remarquable, s'avance auprès de la barre. Mais au moment de parler, saisie d'une violente attaque de nerfs, elle s'affaisse à terre et il devient nécessaire de l'emporter. Cette scène impressionne vivement l'auditoire. En présence de l'indisposition du témoin, Monsieur le Président donne lecture à sa déposition, toute relative au rapport de Fanny sur l'intimité de Madame du Sablon avec Gotland. Monsieur Tacher, le tailleur, qui assistait aux confidences de Fanny à son fils, les rapporte dans les mêmes termes qu'Edmond. Gotland, avec colère. « Ce sont d'infâmes calomnies. Le témoin répète les infâmes turpitudes dont on veut me charger, mais je les méprise. » Il frappe du poing sur la barre avec violence. Marc Gros, carrossier à Angoulême, dépose des mêmes faits sans nommer la dame du Sablon que chez lui Fanny avait désignée Madame Untel. Gotland. « Ils s'entendent tous pour me perdre, c'est infâme !» Les murmures et les sifflets de l'auditoire lui coupent la parole. Monsieur le Président rétablit l'ordre. Un nouveau témoin se présente. C'est la femme Gaudin, dont le mari était le tailleur de Gotland. Cette femme et son mari ont été priés par le curé de Marton de démentir les faux bruits qui couraient sur M. Gotland, d'intervenir auprès de la famille de Guizal et enfin d'aller faire part à Mgr l'évêque d'Angoulême de ses calomnies. Gaudin fit ce qu'on lui demandait. Jarton, Léonard, fermier de M. du Sablon, dépose en patois périgourdin. Il confirme les faits que nous savons déjà, mais soutient voir ainsi rapporter les paroles de Mme du Sablon à propos du flacon bleu. « Tu l'as donné à ta mère, et non pas, je l'ai donné. » Monsieur le procureur de la République. « Prenez garde, Jarton, c'est devant moi que vous avez dit les paroles consignées dans l'instruction. Je suis périgourdin, et je comprends votre patois. » Jarton. « Si vous l'avez entendu, c'est que je l'ai dit. Mais alors je me serais trompé. » L'instituteur Savigna, celui avec lequel le curé s'est réconcilié depuis la mort de Fanny, vient raconter que la veuve de Guizal, après lui avoir dit combien elle craignait de perdre sa place, lui avait proposé de lui montrer, par les trous du grenier, le curé avec Madame du Sablon. Le témoin remarquait l'inquiétude du curé lors de l'exhumation. « Il craignait d'aller en prison, » disait-il. Madame Savigna a vu aussi le curé fort troublé, et elle l'a entendu manifester la crainte d'être arrêtée. Jeanne Berg, veuve nulle, domestique de Madame du Sablon, contredit de nouveau toutes ses précédentes dépositions. Elle nie jusqu'à la présence de sa maîtresse au chevet de Fanny. Elle affirme de nouveau avoir vu la veuve de Guizal sortir en cachette de la chambre de Monsieur du Sablon, et croit que ce jour-là, Fanny a dû dérober le poison au moyen duquel elle s'est suicidée. Monsieur le Président fait remarquer à messieurs les jurés que d'après une expertise faite à Saint-Germain, il a été prouvé que de l'endroit où Jeanne Berg disait être placée, il était impossible de voir sortir quelqu'un de la maison du médecin. Jeanne persiste dans sa déclaration et ajoute avoir vu Fanny de Guizal tirer de derrière son lit une tasse enveloppée de chiffon dans laquelle se trouvait une poudre blanche. L'ayant demandé si c'était du sucre, elle me dit « Non, mais c'est une chose qui mettrait le terme à mes souffrances. » Et elle me fit promettre de ne jamais parler de ce que j'avais vu. Monsieur le procureur de la République rappelle au témoin qu'elle a déjà été emprisonnée et lui rappelle les peines édictées contre le faux témoignage. Jeanne Berg « Oh, monsieur, j'ai déjà été dans vos prisons. Faites-m'y mettre encore, il n'en sera pas davantage. » Le ministère public requiert de nouveau l'incarcération de Jeanne Berg comme faux témoin. Nous devons déclarer que, bien que pleinement convaincu de la culpabilité de Jeanne, l'auditoire ne peut s'empêcher d'admirer le dévouement de la pauvre servante et qu'au moment où les gendarmes l'emmènent, une ovation lui est faite par la foule. Toigny Drouillet, journalière, qui avait déclaré avoir vu le curé sucrer le vin blanc avec de la poudre blanche qu'elle avait pris pour du sucre râpé, déclare maintenant ne plus être sûr de ce fait et ne pas savoir si c'était du sucre en poudre ou en morceaux. Gotland, c'était du sucre concassé. Monsieur le procureur de la République, elle avait dit d'abord du sucre râpé. Gotland, je ne suis pas un pâtissier pour avoir chez moi du sucre en poudre. On appelle Madame Isoline Marchadier. C'est l'amie que Madame du Sablon avait envoyée chercher le jour du suicide. C'est une jeune et jolie femme qui raconte avec beaucoup d'animation toute la scène du 6 février. Son récit est confirmé par Mademoiselle Élodie Loury. Monsieur Minard, curé de Marton, dépose que le 15 décembre, Fanny s'est plainte à lui de ses enfants qui se conduisaient mal avec elle. Elle lui a dit que si elle perdait sa place, elle se trouverait réduite à la mendicité. Mais je suis trop fier pour cela, aurait-il ajouté. Je me donnerais plutôt la mort. J'ai déjà pensé à me jeter dans la mare, mais le maître d'école me retirerait. Du reste, le témoin n'affirme pas que Fanny se soit donné la mort volontairement. Plusieurs autres témoins sont entendus sur des faits sans importance. Deux officiers, messieurs Tuffant et Philotte, détenus pour cause de duel, déposent divers propos scandaleux attribués à Gotland dans sa prison. D'autres prisonniers, messieurs Ménot, ex-greffier, détenus à raison du même duel, Desbois, condamné pour abus de confiance, et Firmin Rideau, ont entendu le curé dire de Fanny « Cette sacrée garce-là s'est empoisonnée par jalousie ». Monsieur Lotte, ancien maire, condamné pour complicité de vol, déclare avoir entendu Gotland se vanter des faveurs de Madame du Sablon et dire qu'une fois libre, il l'enlèverait. Gotland contredit avec fureur les assertions de Lotte qui lui tient tête. Une discussion s'engage entre eux, réprimée bientôt par Monsieur le Président. On passe aux témoins à décharge. Monsieur Gigon, docteur en médecine, nie l'empoisonnement de Fanny. Il cherche à expliquer la mort par une gastrite. Messieurs Le Sieur et Montalembert persistent énergiquement dans leurs déclarations. 7 ou 8 témoins, habitant Marton ou Saint-Germain, parlent des bruits qui couraient sur la mésintelligence qui existait entre Fanny et ses enfants et des plaintes que faisait la servante du curé. L'un d'eux, Pierre Valentin, l'a entendu dire qu'il valait mieux élever des cochons que des enfants et qu'elle se donnerait plutôt la mort que d'aller vivre avec son fils. Marie Drouillet, sœur de Toigny, a vu le curé sucrer le verre de vin blanc. C'était avec du sucre en morceaux, pris avec ses doigts. Il est bon de remarquer que personne, pas même l'accusé, n'a fait mention de la présence de Marie Drouillet au presbytère. Pierre Dupont, employé à la préfecture, a vu l'hôte dans sa prison. L'hôte lui a raconté que le procureur de la République lui aurait dit « Ne me cachez rien de ce que vous savez, car je saurai si vous me cachez la vérité. La justice a toujours été bienveillante pour vous, elle pourra l'être encore. » Ici se place un nouvel incident. Se basant sur la déposition de ce témoin, maître Casimir de Sèze fait observer que sans accuser le ministère public d'avoir voulu influencer le témoin Lotte, il doit prendre acte de ce que l'influence n'en a pas moins eu lieu. Monsieur le procureur de la République réplique vivement qu'il n'a fait au contraire que rassurer Lotte contre certaines menaces qu'il ne veut pas faire connaître. « Ne me contraignez pas à parler !» s'écrie le magistrat. Et maître de Sèze, avec véhémence, « Parlez, au contraire, je le désire. Il y a là un fait qu'il faut éclaircir. Je sais qu'un homme honorable, un représentant du peuple, est mis en cause. Eh bien, quand une calomnie est lancée dans une intention que l'on ne peut méconnaître, quand 2 têtes humaines sont en jeu, Monsieur le Président s'interpose entre le ministère public et la Défense et ramène la question à Lotte qui déclare qu'aucune menace ni aucune promesse ne lui ont été faites. C'est seulement après sa déposition reçue que M. le procureur de la République a dit au détenu qui attend sa grâce de Paris qu'il pourrait espérer un adoucissement à son sort. L'audition des témoins est terminée. L'audience est renvoyée au lendemain pour le réquisitoire.